Histoire numéro 13, les faits d'armes de Shemuel Moshe. Vous dites qu'il n'y a pas deux hommes semblables l'un à l'autre. Pourquoi cela existerait-il d'ailleurs? Prenez deux frères, par exemple. Disons, deux rejetons du même père et de la même mère. Tenez, mon Jehiel, que la paix soit sur lui. Et mon Shemuel Moshe, que Dieu lui donne longue vie. Enfin, pour le cas où en effet il se trouverait bien en Amérique. Eh bien, voilà deux frères. Nés d'une même mère, dans la même maison, élevés chez le même maître. L'un était la perfection née, ne disant jamais un mot plus haut que l'autre, ne faisant pas de mal même à une mouche sur le mur, vu que tu ne tueras pas, constituait pour lui l'ABC de la vie. Et l'autre, un brave gars, comme on dit, et quel brave gars! Je vous ai déjà raconté quel vaurien c'était. Tous les pères se vantent de leurs enfants, c'est bien connu. Mais tel que vous me connaissez depuis que nous voguons ensemble sur ce rafio, vous devez savoir que je ne suis pas de ces parents aveugles qui ne voient rien ou font semblant de ne rien voir. Moi, j'ai horreur de ça. Chez moi, tout est au grand jour, comme dans une assiette. Comme on dit, chez moi, on joue carte sur table. Tenez, voilà le paquet de lettres qu'il m'a envoyé du front. Prenez, lisez, et vous verrez à quel oiseau vous avez affaire. Ne faites pas attention à l'écriture, c'est un peu des pattes de mouche, d'accord? Surtout qu'autrefois il avait une belle main. Tous mes enfants sont comme ça, ça passe de père en fils, ça. Toute la famille chez nous, ils ont une belle main. Mais il faut comprendre, quand vous écrivez du fond de la tranchée, c'est pas commode. Sous une grêle de feu, entre les canons et les avions, vous imaginez? Tenez, jugez par vous-même. Vous savez quoi? Je vais lire ça pour vous, parce qu'il manque des pages. Les autres sont chiffonnés et c'est dur à lire d'une traite. Aussi, monsieur Sholem Aleichem, je ne vous en lirai que l'essentiel. Prenez, par exemple, une lettre qui commence ainsi. « Bonjour à toi, mon cher père, le noble, le grand, le digne, le vaillant, etc., etc., le sage, le savant, l'érudit, l'aimable, le saint, que son nom soit vénéré, le haut rabbin Jacob, gloire à son nom. » En premier lieu, je voudrais te faire savoir où je me trouve. J'appartiens au 22e bataillon de Bessarabie. Non, ça n'a aucun intérêt. Je passe. Et les officiers me tiennent en haute estime. Bon, ça n'a pas grande importance non plus. Il continue. Nous nous sommes battus pendant 3 jours et 3 nuits à côté d'un petit village entre des montagnes. Le feu ne cessait pas. L'ennemi avait des forces 3 fois supérieures aux nôtres. Mais nos hommes à nous se jetaient dans le feu, repoussaient toutes les attaques et arrêtaient tous les contingents frais qui arrivaient d'en face et fauchaient les ennemis comme des épis à la moisson. Le sang coulait à torrents et nous devions marcher sur les cadavres, vu qu'il n'y avait pas une seconde pour évacuer les morts et pour panser les blessés touchés par les trombes de projectiles que tiraient les Allemands. Sans parler des terribles obus de 42 de leurs énormes canons qui portent beaucoup plus loin que les nôtres. Sans cette artillerie-là, nous les aurions tous massacrés. À la fin finale, nos hommes se sont jetés sur l'ennemi en brandissant la baïonnette. Alors, notre commandant n'a prononcé qu'un seul mot, « Bratsi, mes frères ». Nous autres, qui n'étions plus qu'une douzaine, devant une myriade d'Allemands, nous nous sommes jetés sur eux en criant « Hourra !» Et nous nous sommes battus comme des lions jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avons reçu du renfort une unité dont bon nombre d'hommes furent tués ou faits prisonniers. Pour moi, je n'ai eu qu'une légère blessure, un éclat d'obus qui m'a effleuré le genou gauche. Mais j'ai tenu le coup, vu que j'avais le drapeau en main. Je me disais, « Tant que tu tiens debout, prends soin du drapeau. » Mon commandant a noté le fait, et quand nous avons pu être relevés et qu'on m'a emmené à l'hôpital, il a formulé une nouvelle demande de croix de Saint-Georges pour moi. Je dois la recevoir dans les prochains jours. Je vais sortir tout prochainement de cet hôpital, et je retourne au bataillon. Je compte les jours et les heures, en attendant de pouvoir reprendre le fusil en main. Je sens mon sang qui bout et le feu qui brûle dans mes entrailles contre cet ennemi qui a anéanti le meilleur de nos forces, qui a égorgé nos frères comme des bœufs et des moutons, et qui a fait prisonnier les meilleurs de nos officiers, emportant avec lui nos canons, nos mitrailleuses, toute notre artillerie, nos munitions, nos chevaux et nos wagons pleins de pain. Je lui souhaite qu'il mange et qu'il en crève. Comme il est fort, l'Allemand, comme il est fort. Mais nous non plus, nous ne manquons pas de ressources. Alors, monsieur Sholem Aleichem, que dites-vous du fils de Jacob Yonever, du frère de Jehiel Yonever? Tenez, encore une lettre. Mon cher et vénéré père, le noble, le cher, l'érudit, le juste, le sage, etc., etc. Bon, bref. Je te remercie pour ta lettre pleine de bonté, de sympathie, d'encouragement, de sagesse. Enfin bon, je passe. En fait, il se repent de ne pas m'avoir écouté, vous voyez. Mais maintenant qu'il comprend, alors voilà ce qu'il m'écrit. Je ne comprends pas ce que maman a pleurniché parce que Jaïl va s'engager. Jaïl vaut-il mieux que moi? Nous appartenons à la même souche, ce me semble. Qu'est-ce que vous dites d'un brave gars comme ça, hein? Regardez comme il a le cœur à la plaisanterie dans un pareil moment. Bon, écoutez un peu la suite. Et toi, mon cher père, je t'engage à me féliciter pour l'admission de la seconde médaille, encore un Saint-Georges, parce que j'ai sauvé un officier à nous sous le feu de l'ennemi, quand nos troupes se sont repliées. L'officier était blessé. Il demandait juste que quelqu'un le relève et le remette sur ses pieds. Il se tenait le ventre à pleine main et ne parvenait pas à se mettre debout tout seul. Mais personne ne voulait s'arrêter. Les autres étaient après nous et le feu crachait de toutes parts. De gauche et de droite, de devant et de derrière, et même du ciel, rapport aux avions qui piquaient sur nous comme des oiseaux de proie. Qui pouvait l'entendre au milieu de cette cavalcade effrénée et qui aurait le courage de s'arrêter sous cette pluie d'enfer? Mais les beaux yeux bleus de cet officier blessé me regardaient d'une façon si bonne et si bizarre. Je me suis faufilé entre les hommes qui couraient. J'ai donné des coups, je me suis arrêté et je me suis courbé sur lui. J'essaie de le relever, mais il ne tient pas sur ses jambes. On dirait un arbre coupé à la base. Quoi faire? Si je l'abandonne, on va l'écraser. Un officier, tu penses? Si j'essaie de le tirer derrière moi, on va nous piétiner tous les deux. Je m'assieds tout contre lui et je lui dis « Montez-moi sur le dos, Vacha Volorodia. » Je l'ai juché sur mes épaules et j'ai couru pendant des kilomètres, les balles sifflant à nos oreilles. Et enfin, nous voilà arrivés à un point où des hommes à nous attendaient. On l'a emmené à l'hôpital et je m'y suis retrouvé moi aussi vu qu'un éclat m'a coupé le lobe d'une oreille. Là, j'ai appris que mon officier, c'est une grosse huile, un duc, un prince, un membre de la cour, quoi. Il m'a appelé deux fois auprès de lui, m'a demandé comment je m'appelais, d'où je venais, tout ça. Il m'a fait toutes les politesses possibles et annoncé qu'il n'oublierait jamais ce que j'ai fait pour lui. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé pour la deuxième Saint-Georges. Alors, qu'en dites-vous, hein? Que va-t-il en faire de ces deux médailles, à votre avis? S'il va à Pétersbourg ou à Moscou, on va le mettre à la porte, lui et ses croix de guerre. S'il essaie de revenir à Krouchnik, les Polaks vont crever de peur et abolir le boycott, bah voyons. Mais vous n'en avez pas encore fini avec moi. Il y a la troisième médaille. Bon, le mieux, je vais vous la raconter par la lecture. Vous allez voir ce style, la main, la belle expression. C'est de tradition chez nous, c'est dans la famille. Écoutez un peu. Je peux m'enorgueillir, mon cher père, d'avoir sauvé une division entière. Elle manquait d'être encerclée de tous côtés par l'ennemi. Plus de 70 000 hommes avec toute leur artillerie. La neige commençait à fondre et on pataugeait comme dans des pieds en gelée. Les chevaux et les chariots s'embourbaient. En bref, monsieur Cholem Aleichem, les exploits du tsar et les bonnes raisons du tsar. Je ne veux pas continuer à lire. En deux mots, voici l'affaire. Il fallait un volontaire qui aille repérer où se cachait l'ennemi. Il fallait ramper sur le ventre et grimper jusqu'en haut d'une colline, marcher à quatre pattes dans la forêt et observer le camp des Allemands. Ils n'ont pas été bien nombreux à se porter volontaire et le premier, ça a été mon Chemuel Moshe. Maintenant, lui, il étale son histoire comme de la confiture. Ils ont reniflé et ils ont découvert l'Allemand. Il a été le premier à répandre la bonne nouvelle et les troupes russes ont pu mettre en pratique le verset et le peuple prit la fuite. Ce n'était que trop temps. D'ailleurs, on leur a couru après et on lui a cassé les os au tsar. Mais les autres, ils ne sont pas arrivés à prendre toute la division au piège. Et voilà comment mon gamin a reçu sa troisième croix de Saint-Georges. Mais là commence une autre histoire. Il a eu le malheur de faire prisonnier un officier allemand, et on l'a fait passer en cour martiale, parce qu'on ne doit pas faire de prisonnier. Là, on l'a condamné au peloton d'exécution dans les 24 heures, ni plus ni moins. Le reste de l'histoire, Dieu seul le connaît. De bonnes âmes prétendent qu'il serait arrivé en Amérique. Puisse la rumeur parvenir jusqu'à l'oreille divine. Bon, nous avons assez fait la lecture, vous et moi. Remettons la suite à plus tard.